Radiomatique. C'est la transmission 548 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste canadien Glenn Love de son mini-album Is Anybody Out There, qui est paru le 21 mars 2025. Nous écoutions la pièce Buckle Up. Et maintenant, c'est au tour du groupe français Guadalteras d'assurer la continuité à Audiomatique. Avions droit à Audiomatique au trio français Marie-Madeleine de son premier mini-album No Apologies sorti en 2013. Nous entendions la pièce Love Suicide remixée par le groupe Acid Arab. Précédemment à Marie-Madeleine, nous avions droit au groupe malgache Loharano de son premier mini-album homonyme lancé en 2021. Nous vous avons offert la pièce Phototra. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de la formation française Guadal Terraz. De son premier mini-album homonyme paru en 2016, nous avons diffusé la chanson Waves. Audiomatique se poursuit maintenant avec le trio français Amabla. Thank you. Audiomatique. Nous venons tout juste d'entendre le trio français Amablan de son deuxième album Room One, sorti en 2018. Il nous présentait la longue pièce Echo of Hate. En conclusion de cette transmission 5-4-8 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe français Serre Boiteux de son deuxième album studio Adieu Tout, lancé en 2020. Nous entendrons la pièce Adieu Tout 5. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Serre Boiteux avec la pièce Adieu Tout 5. C'était Audiomatique avec les sonoristes.